Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler, évidemment, c'est dans le titre de bande dessinée du 9e art. Un 9e art, cette semaine d'ailleurs, qu'on aura le plaisir d'explorer dans deux axes radicalement différents. Toujours intéressant, en fait, des fois, c'est plaisant de faire des émissions qui sont assez dirigées dans les styles et dans les rencontres qu'on va proposer. D'autres fois, c'est intéressant, au contraire, d'aller aux antipodes, justement, côté style, côté narration, côté ambiance. Et donc, on aura deux albums qu'on explorera en compagnie de leurs auteurs qui sont ben, justement assez distincts. En deuxième partie d'émission, il y aura Éric Pelladeau qui viendra nous parler de son album Liz et Dio, premier tome de cette série qui est consacrée aux relations amoureuses et à un couple un peu dépareillé, un peu pareillé également. Alors, on en parle donc en deuxième partie. Sinon, dans quelques instants, on aura le plaisir de jaser avec Sophie Yana qui nous offre La guerre des rues et des maisons à la mauvaise tête. Alors, une bande dessinée, un essai dessiné à la première personne dans lequel l'auteur met de l'avant ses expériences, son regard, ses réflexions autour du printemps érable et autour également de différentes théories liées à la planification urbaine. Donc, cette idée que les villes, dans une certaine mesure, peuvent être planifiées pour réussir à réduire, à rendre plus difficile la contestation, à rendre plus facile le contrôle de cette contestation-là, à travers notamment de la stratégie policière et de la stratégie des forces de l'ordre, et à travers ben, des différents choix au niveau de la planification urbaine. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que justement, on jase avec l'auteur tout à l'heure et elle va pouvoir nous expliquer tout ça, entre autres choses. Alors, la guerre des rues et des maisons. Sinon, en chronique, il y aura Mathieu Place qui sera de passage en fin d'émission, toujours avec ses regards sur la bande dessinée indépendante anglophone. Alors, ça, c'est le menu pour aujourd'hui, donc un beau menu. Comme à l'habitude, il y aura plus également, je me permettrai quelques incartades critiques en cours d'émission aussi. Et sinon, ben, on porte un petit regard sur l'actualité BD. Toujours début d'année, évidemment, qui nous amène à différents prix, différentes récompenses qui continuent d'être offertes. Et notamment, il y a les prix de la FNAC française, prix de la BD qui a été donné à Tyler Cross de Bruno et Fabien Nury chez Dargaud. Un titre, d'ailleurs, si vous écoutiez nos émissions des dernières semaines, qui est venu assez régulièrement aussi dans les coups de cœur des collaborateurs, de collègues également, journalistes BD ici au Québec. Alors, pourquoi a-t-on donné le prix à cet album? Ben, simplement parce qu'on dit, et j'ouvre les guillemets, c'est un vrai polar amoral et jubilatoire. Tyler Cross, je vous rappelle, qui raconte une mission qui tourne en eau de boudin pour un gangster froid et sans état d'âme. Il fait partie d'ailleurs de la sélection officielle d'Angoulême 2014. Ce sera intéressant de voir s'il remportera le prix Polar de ce côté. Sinon, France Info a également donné ses prix, 20e prix, qui a été offerte à Ainsi se tue Zarathoustra de Nicolas Wilde. Alors, une coédition de la boîte à bulles et Arte. Alors, pourquoi a-t-on donné ce prix? Eh bien, on justifie donc le choix du jury en expliquant qu'il s'agit d'un voyage rafraîchissant, totalement à contre-courant de la manière dont on couvre habituellement l'actualité iranienne. Alors, il faut dire que dans Ainsi se tue Zarathoustra, Wilde décrit sous la forme d'une fiction le quotidien et la culture des Iraniens sur fond de découverte de la religion zoroastrienne. Alors, voilà pour cette récompense. Sinon, autre récompense qui est arrivée, elle, un peu plus tôt en janvier. On avait parlé des nominés à ces prix Artemisia, consacrés donc à la bande dessinée faite par des femmes. Il y avait notamment un titre québécois en lice, Jane Le Renard et moi d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt. Eh bien, le prix a été attribué cette fois-ci à Catel pour son livre « Ainsi soit Benoît Groux » paru aux éditions Grasset. On présente ce livre comme étant une rencontre entre deux femmes de générations différentes. L'une qui est écrivaine, mais c'est aussi la femme symbole d'un moment important du féminisme. L'autre qui est de dessinatrice, qui est à son écoute, esprit ouvert et crayon en main. La main est habile et experte, l'oreille attentive. Alors, selon le jury d'Artemisia, on dit que l'album est, et j'ouvre une nouvelle fois et une dernière fois les guillemets, donc c'est véritablement une odyssée de la femme moderne, une épopée contemporaine qui se confond avec l'histoire des femmes, et pas seulement des femmes de lettres et des privilèges de la société, c'est un peu l'histoire de toutes les femmes et de leur bataille sans cesse recommencée pour leur émancipation. Alors voilà donc pour ce titre, Ainsi soit Benoît Groux qui a remporté le prix Artemisia. Ah ben voilà donc pour ces quelques actualités. En musique, au fil de l'émission, on aura le plaisir d'écouter l'album Get Old de la formation Crying, donc toujours un peu dans la sphère de la 8-bit. Et on commence avec un premier extrait qui s'appelle Vacation. Weak friends, all ones you hesitate, answer you unless it's convenient. Boy, boy, I forget that old world. Won't generate the darkest one of my life. Don't know if I'm coming back. Guess I've been one native ago. Sweet to chew at the start. Got a psychic feeling on the sick flip phone wires. Spotted M&M and rolling by near the autos. Cheap lottos. Spent a buck and won it back. The man would laugh and lose like he thought so. Bon voyage, forget that old word. Et voilà, toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez réécouter les émissions en balado-diffusion sur notre blog WordPress, donc lavieenbd.wordpress.com. Alors, tel que mentionné en début d'émission, donc la mauvaise tête qui nous est arrivée avec quelques nouveaux titres l'automne dernier, on est un peu en rattrapage et des titres qu'on a bien appréciés d'ailleurs ici à l'émission. Alors, premier de ceux dont on vous parlera au fil des prochaines semaines, c'est La guerre des rues et des maisons de Sophie Yanao, qui est une artiste américaine installée à Montréal, qui a participé au printemps érable, au printemps étudiant de 2012 et qui cet événement-là lui a amené réflexion, préoccupation l'a amené à créer un essai BD donc qui s'appelle La guerre des rues et des maisons. Elle est avec nous au bout du fil pour en parler. Sophie Yanao, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et ben justement, en fait, La guerre des rues et des maisons, si on le présente de manière générale, c'est un peu un essai qui fait le pont entre l'histoire de la planification urbaine et le printemps érable de 2012. Oui, ouais, c'est ça. Je voulais faire un peu comme mettre une ligne entre les deux choses, genre entre la militarisation et l'urbanisme, et je voulais faire un peu de recherche là-dessus. Donc, c'était ça un peu le but, de regarder qu'est-ce qui se passait dans comme l'histoire et comment est-ce qu'il avait un point direct. Et c'est un peu ça que j'ai trouvé. Et côté histoire, justement, on remonte à des guerres en Algérie, à des théories d'urbanisme liées notamment à Bugeaud, à Haussmann, à Moss, à Moses, en fait, de Alger, à Paris, à New York. C'est intéressant, en fait, c'est des théories liées justement à la manière dont on construit les villes. Oui, c'est ça. C'est un peu comme la manière qu'on détruit les villes, en fait. C'est comme la manière que Bugeaud a essayé en Algérie, c'était un peu transporté à Paris par Haussmann, puis c'était un peu transféré à New York avec l'étalement par Moses. Donc c'est un peu un lien, je le vois comme ça. Et pouvez-vous peut-être un peu nous donner un peu en tête la teneur de ces réflexions-là? C'est quoi un peu cette théorie-là de la planification des villes dans les grandes lignes? C'est commencé avec Bugeaud, puis c'était vraiment pour prendre une ville. C'était plus facile de comme détruire les places pour avoir un bon combat contre les guérillas. Je sais pas comment on dit ça. Les guérillas. Oui. Mm-hmm. Donc voilà, quand Haussmann l'a pris, il c'était un peu comme, oh oui, il a dit à tout le monde comme, c'est pour le, c'est pour la santé, évidemment, mais c'était aussi pour contrôler des gens un peu, avec Napoléon et tout ça. Donc il a fait à Paris, il a comme détruit plein de places pour faire des grandes places, tu vois. Et mais c'était pas juste comme pour la santé. Non, c'est ça, un peu dans l'idée, dans le fond, que si on a des rues étroites, si on a des ruelles, c'est plus facile pour des contestataires d'aller se cacher, de faire des barricades. Si on a des places larges, avec beaucoup d'espace, ben là, c'est beaucoup plus facile à surveiller, à contrôler. Exactement. Puis aussi des places plus hautes et tout ça. Donc, c'est effectivement, enfin, on peut voir dans un contexte de manifestation, l'impact peut-être de ce type de choix urbain-là où on préconise l'espace pour l'aération, mais pour aussi d'autres effets. Ouais, c'est ça. Et donc, le lien entre ces théories-là et le printemps érable, c'est un lien que vous avez fait sur le terrain pendant les manifestations, pendant que vous observiez ce qui se passe? Oui, bon, j'avais un peu entendu cette histoire avec Haussmann parce que j'avais étudié le commune de Paris. Mm-hmm. Et donc j'avais un peu cette impression, et quand j'étais comme vraiment dans les rues pendant le printemps arabe, c'est un peu ça que je me suis dit, waouh, ok. C'était comme la première fois que j'étais vraiment dans les rues pendant comme les street fighting puis tout ça, et les polices ont fait des souricières et tout ça, et je me suis dit je veux vraiment comme rechercher ça, parce que ce que j'ai vécu puis ce que j'ai vu dans les rues, j'étais comme waouh, ça, c'est pas par hasard qu'ils font ça. C'est juste ça que j'avais l'impression, que ce n'était pas par hasard. Oui, que c'était comme inscrit dans une tradition, dans une approche qui avait été testée, qui avait été bâtie au fil des années, au fil des conflits. Mais en fait, on parle, et on en parle beaucoup aussi dans le livre, justement, de ce qui vous a frappé dans les manifestations, justement, encerclement, souricière. Pouvez-vous nous parler un petit peu de comment vous avez vécu de votre côté le printemps érable, justement, et ce qui vous a amené aussi à choisir de témoigner de ce que vous avez vécu dans ces événements-là? J'étais présente pendant beaucoup de manifs, mais c'était aussi, j'avais plein d'amis qui étaient arrêtés, qui étaient dans les souricières. Moi, je me suis éloignée un peu parce que j'étais là sur un visa de touriste. Si j'étais arrêtée, j'avais peur de comme d'être déportée et tout ça. Donc, j'ai vu des choses, je voulais être présente, et c'est un peu à cause de ça que je suis allée plusieurs fois. Je suis allée beaucoup de fois. J'étais comme bon, je peux pas trop m'impliquer, mais en même temps, il faut que je sois là pour regarder tout ce qui se passe. Pour voir le jeu, dans le fond, entre les manifestants puis la police, la dynamique qu'il y avait entre les deux, qui était quand même assez particulière à certains degrés. Oui, bien sûr. Des fois, quand tu dis à toi-même, quand tu dis ouais, je vais aller, mais je vais pas trop participer, même quand tu es là-bas, c'est pas possible. Des fois, t'es dans une souricière, des fois, t'es juste à l'autre côté. C'est complètement... C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des touristes qui étaient dans les souricières, les trucs avec les terrasses, quand les gens... comme arrêter des gens sur les terrasses de les bars. Puis, donc, quand t'es là-bas, quand t'es à côté de les manifs, le lien entre je suis dans le manif ou je suis pas dans le manif, c'est pas très clair. C'est pas très clair parce que les polices, ils font des souricières et tout ça. Donc, ils regardent pas comme qui ils vont arrêter. C'est juste. C'est ce type de situation-là qui est un peu... Est-ce qu'on peut dire, en fait, que c'est un peu ce type de situation-là qui est à la base, à l'amorce, justement, de la guerre des rues et des maisons? Oui, bien sûr. C'était ça qui m'a influencé, qui m'a ouais, qui m'a comme je sais pas, c'est j'avais beaucoup de ça dans ma tête, puis c'était un peu le déprime après tout ça en fait, qui où j'ai commencé de me poser des questions, genre qu'est-ce qui se passait. Et de là, donc, une documentation au niveau des théories de planification urbaine, des discussions, j'imagine, aussi dans votre réseau. Est-ce qu'on a beaucoup documenté, dans le fond, ce livre-là? Est-ce qu'on a beaucoup fait de recherche pour préparer le livre? Oui. Ben, en fait, j'ai assisté encore à Concordia, qui s'appelle Military in the City, Militarism à la ville. Et c'était juste parce que j'avais un ami qui était étudiant en urbanisme là-bas, et donc j'ai demandé à la prof si je pourrais venir vraiment juste pour faire la recherche et pour avoir des autres personnes pour j'en parler de tout ça. Et le livre aurait été comme beaucoup plus difficile, ou ça ne ferait pas du tout la même chose si je n'avais pas assisté à ce cours-là. Mm-hmm. Donc, pour affiner un peu les éléments et pour préparer un peu le document, et en même temps, Sophie, Anna, pourquoi avoir choisi de passer cette réflexion-là par la BD? Pourquoi ce médium-là vous semblait de mise, si on peut dire, pour proposer votre réflexion? Oui. Bon, à la base, c'est parce que le BD, c'est comme... J'ai fait le BD depuis quelques années et c'est un peu par le BD que je pense, des fois, maintenant. C'est comme si je veux faire une réflexion sur quelque chose, j'écris un BD direct. Donc, il y a beaucoup de pages qui étaient des trucs que j'ai écrits comme... J'étais juste en train de penser à ce truc-là, et c'est un peu comme quand on écrit un essai juste avec les mots, c'est aussi pour penser. Donc là, je pense un peu par la BD, mais aussi j'ai fait ça sur un, comment on dit, grid, quadrille. Oui, en fait. C'est comme... Pour moi, ça a un rapport avec le sujet. Mm-hmm. Et j'étais très content de le laisser comme dans une grid de 6 comment on dit 6 par 6 cadre. Et des fois même le dessin, justement, enfin, on a l'impression que vous avez dessiné la planche et que la grille est venue se placer par-dessus le dessin. Oui. La grille, j'ai fait après le dessin. Donc, une espèce en lien avec l'enfermement, en lien avec les contraintes, les lignes définies de la ville, etc. En lien un peu avec un certain emprisonnement lié à la structure urbaine? Parce que les planches n'étaient pas finies. C'était la grille, c'est là pour finir les planches. J'avais toujours la grille en tête pendant que j'ai fait ça. Donc ça, c'était juste... Oui, je l'ai ajouté pour donner des ordres, des sens, comment on dit... feelings. pour changer si... Je crois que peut-être il y a plus de grilles qu'on s'est plus enfermé, qu'on s'est plus coincé. Et à travers tout ça, le fait de le raconter par le dessin, justement, par la bande dessinée, j'ai l'impression que ça force peut-être aussi un peu à aller à l'essentiel. Oui. Oui. Ben moi, je suis toujours, même quand j'écris, des fois c'est un problème, mais je suis un peu obsédée par l'efficacité, par être très simple. C'est aussi ça qui à la base m'intéresse à la BD. Pour moi c'est plus facile, c'est très accessible, je crois. Mm-hmm. Plusieurs manches, c'est plus facile de traduire. Tu vois, c'est comme moi j'ai écrit La guerre des rues en anglais. Et en fait, c'est sorti en français avant. La version en anglais, c'est même plus sorti encore. Mais c'était pas pas si difficile de les traduire. Et aussi, c'est comme les mots originaux sont là, parce que les dessins originaux sont là. Il faut pas traduire. On n'a pas besoin de traduire les dessins. Et on découvre donc, je rappelle, vos réflexions et vos constats donc face à tout ça dans La guerre des rues et des maisons. C'est disponible à La Mauvaise Tête. Sophie Anard, merci beaucoup. Merci à toi. Et si vous voulez en savoir un peu plus donc sur l'auteur, ben, vous pouvez trouver aussi plus d'informations sur son site web, sophieyanard.com. Alors je le rappelle, donc ça s'appelle La guerre des rues et des maisons et c'est à La Mauvaise Tête. Et toujours à l'écoute de La vie en BD, Raymond Poirier avec vous, je le rappelle, jusqu'à 18h30. On va porter maintenant quelques regards sur des sorties récentes. J'avais envie, en fait, toujours un peu en mode rattrapage d'ailleurs, sur différentes sorties, différents albums. Alors j'y vais rapidement avec quelques titres. Tout d'abord, en fait, un titre jeunesse. Le deuxième tome de la série Tib et Tatum, mon dinosaure a du talent. Alors un album, donc dans la suite du premier que nous avait offert Grimaldi, le scénariste alors de cette série avec Bannister au dessin. Donc l'histoire d'amitié qui lie un petit garçon des cavernes avec un dinosaure qui traînait dans les environs de son village. Le premier album, c'était vraiment la naissance de cette relation-là, l'idée qu'il cachait cette relation amicale aux gens du village et finalement à la fin, ben, le dévoilement, voilà, je suis ami avec un dinosaure, donc il vient sauver un peu la donne face à une attaque. Et le deuxième tome, donc, comme le chat était sorti du sac, ben, faut redéfinir un peu la dynamique. Cette fois-ci, c'est un peu l'idée, dans le fond, que le dinosaure est peut-être, aux yeux des parents, aux yeux des adultes du village, dangereux. C'est une situation à risque pour le bambin. Alors, ils disent, ben, va pas jouer avec ton dinosaure, va jouer avec les amis. Par contre, on parle aussi un peu d'intimidation. Donc, Tib a une marque, une tache rouge sur le visage, donc une tache de naissance. Ça l'amène à se faire agacer, à attaquer, à se faire dénigrer par ses amis. Il n'a pas envie d'aller jouer avec eux. Il préfère donc aller avec le dinosaure. Et ben s'ensuit donc une série de situations autour un peu de cette dynamique-là. Donc un peu comme dans le premier album, donc une suite de tableaux, une série un peu à gag avec une ambiance de manière générale, avec une dynamique globale pour l'ensemble de l'album. Si vous avez aimé le premier, ben, probablement que vous aurez envie de poursuivre vers le deuxième. Sinon, ben ça peut valoir la peine de jeter un coup d'œil au premier si vous êtes dans la clientèle cible, c'est-à-dire le jeune public. C'est une chouette série de ce côté. C'est pas une grande série jeunesse, mais c'est une série quand même assez solide. Et donc, ce qui fait qu'au fil des gags, ben, je pense que les plus jeunes lecteurs vont se retrouver un peu là-dedans. Il y a de quoi aussi discuter ensuite, si vous êtes parent, avec votre jeune autour de l'album, autour des réalités qui sont mises de l'avant là-dedans. Alors, ça amène quand même quelque chose qui peut être intéressant. Mais bon, pas totale recommandation. J'ai sincèrement préféré le premier tome au deuxième. Sinon, autre titre, tiens, je le mentionne simplement au passage, Game Over, qui continue avec Kid Paddle aussi, d'ailleurs, à être publié. Deux albums qui nous arrivent, je crois, par année. Le dixième est sorti l'automne dernier. Watergate, si vous aviez un peu décroché de cette série-là, donc où essentiellement on voit un protagoniste tenter d'aller sauver une princesse, finalement, à chaque planche, ben, mourir dans des circonstances X, Y ou Z. Une série dans laquelle, justement, on attend cette mort, on essaie de voir et d'apprécier, justement, les différentes manières à travers lesquelles l'auteur amène, justement, ce décès-là. Eh ben disons que la série se poursuit. On réussit à ne pas répéter les choses, ou moins ne pas trop répéter. Évidemment, avec une prémisse comme ça, à un moment donné, j'imagine que le lecteur en vient à s'essouffler, du moins tout dépendant de l'âge du lecteur. Donc, dans mon cas, après quelques albums, je me dis, mon Dieu, on a fait un peu le tour de l'idée, même si c'est rigolo pour les plus jeunes, ben, peut-être que justement on apprécie aussi les trésors d'imagination un peu macabres par moment, par laquelle on en vient à cette conclusion-là. Reste que, donc, l'album est correct. La formule, comme je le disais, me donne l'impression de s'essouffler un peu, mais reste que c'est dans la lignée des 9 autres albums. La question, c'est est-ce qu'on est en train d'étirer peut-être un peu la sauce? Au niveau des ventes, visiblement non. Au niveau de la qualité, ben, ça reste quand même correct, mais bon, entre lire le 10e et lire le 1er, il n'y a pas tant de différence que ça, malheureusement. Et bon, tiens, ça c'était Game Over, tome 10, donc Watergate, encore là, qui reste très acceptable, cela dit, c'est juste pas grandiose. Et dans le même registre, d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi c'est ces trois-là qui ont sorti en premier dans ma pile, mais c'est comme trois commentaires assez tièdes, de manière générale. Donc, rien de très méchant à dire, mais rien de très bon non plus. Je vous mentionne au passage qu'il y a une nouvelle série de Christophe Wilde, Frontiers, tome 1, La Traque, qui est sortie. Une série, la prémisse, c'est pas inintéressante. C'est comme une espèce de contexte de science-fiction, mais dans le qui a un côté très, très rétro. Donc, film noir, mais futuriste, avec un métissage de technologie, de robots, de vampires, de monstres. Donc, la prémisse, c'est pas inintéressante. Par contre, et si vous avez eu l'occasion de feuilleter cet album-là, ce qui agresse peut-être un peu plus, c'est le dessin. Un peu trop sexualisé, ça en devient racoleur et un peu agaçant à la longue par cette obsession que l'album de nous montrer des femmes en petite tenue à peu près à chaque planche sans que ce soit là l'argument principal du récit, du moins dans ma tête quand je l'ai pris, je pensais pas que ça allait vers ça. Parallèlement aussi, donc ces représentations-là, mais dans un graphisme qui est un peu trop figé, donc des expressions où ça donne presque l'impression qu'on prend des photos et ensuite qu'on calque la photo, donc une espèce de photo dessiné. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire dans l'image, mais disons, c'est genre de graphisme, mais je l'ai vu à quelques reprises dans différents albums. Je veux dire, plastiquement, c'est beau de manière générale, mais en termes de dynamisme et en termes d'intérêt pour la mise en scène des planches, eh ben là, c'est beaucoup plus balourd. Et malheureusement, ça fonctionne pas très, très bien de ce côté-là. Bon, c'est en noir et blanc, il y a des éléments de couleur surtout qui tournent vers le rouge, donc je veux dire, encore là, de loin, c'est quand même pas très laid. Il y a quand même une certaine recherche d'originalité qu'on sent à travers ça, mais malheureusement, qui se perd un peu dans d'autres trucs qui, disons, font qu'on, en tant que lecteur, on embarque peut-être plus ou moins à l'intérieur de ça. Cela dit, si c'est votre tasse de thé, quand même, je te un coup d'œil, feuilletez-la, si vous voyez que ça a l'air intéressant pour vous, ben peut-être que ce l'est, effectivement, c'est pas mauvais, mais c'est juste, ben, en fait, plutôt quelconque dans le contexte de la quantité d'albums qui nous sont offerts au fil des mois. Alors, ben voilà, malchance pour cette semaine, trois lectures plutôt tièdes, mais bon, on aura l'occasion sûrement d'avoir d'autres titres et d'autres coups de cœur au fil de l'année qui s'en vient. On prend une courte pause. À venir, Éric Pilado et Mathieu Place. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Du 18 janvier au 15 mars, le diffuseur d'événements cinéma et vidéo Antitube présente Panorama des cinémas du présent 3. Au menu, une sélection de films contemporains, d'ici et d'ailleurs, réinventant les formes cinématographiques d'avant-garde et souvent inédits à Québec. Les projections auront lieu les samedis à l'auditorium Roland-Arpin du Musée de la Civilisation, au Studio P et au Complexe Le Cercle. Pour de plus amples informations et pour découvrir la programmation complète, visitez antitube.ca. Depuis 1995, Antitube présente le meilleur du cinéma à Québec. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD. à la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Dimanche 23 février 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, rouge contre bleu. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soulfinger. Ça groove à CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD au 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous. Et avec vous cette semaine, et pas avec vous la semaine prochaine, je me ferai remplacer puisque j'aurai le plaisir d'être au Festival d'Angoulême. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler au fil de février. Et donc l'émission en tant que telle sera de retour donc après cette semaine, donc au 7 février prochain. Alors je vous passe le mot tout de suite. Et d'ailleurs, si jamais pendant le festival ou entre-temps, vous avez envie de continuer à nous suivre, c'est possible notamment de le faire via mon blog sur voir.ca, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, on est toujours un peu, et c'est le lot de notre mois de janvier et du début de février aussi habituellement, on est en rattrapage des titres dont on n'a pas eu encore l'occasion et le temps de vous parler au fil de l'automne. Et c'est le cas notamment d'un titre qui nous est arrivé chez Boomerang, premier tome de la nouvelle série d'Éric Pelladeau. Alors, ça s'appelle Liz et Dio, tome 1, les pareils satires. L'auteur est avec nous au bout du fil. Éric, bonjour. Alors, Liz et Dio, peut-être que c'est un nom que certains lecteurs connaissent déjà. Il faut dire que, si je me trompe pas, ça avait vu le jour dans le magazine Safari autour de 2010, initialement. C'est exactement ça. C'est une série que j'ai décidé de créer pour le magazine Safari pour essayer d'attirer un peu la clientèle peut-être un peu plus vieille puis féminine en même temps. Donc d'essayer de pas nécessairement penser d'abord et avant tout pour un public d'adolescents, mais peut-être plus pour un public adulte, pour un public plus large, donc que celui du magazine. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'avait amené à te lancer justement vers la piste de ce couple-là, Liz et Dio, un couple mal assorti, bien assorti, si on peut dire? Le couple, c'est drôle, je sais pas exactement. Mais je sais qu'avant ça, j'avais une série de strips qui était avec trois petites filles, puis j'imagine que je voulais aller peut-être plus vers le couple, vu que j'avais déjà des enfants en tête, puis c'était un peu un défi que je me suis donné avec ce couple-là, parce que je voulais faire une série de strips le plus simple possible, donc mm-hmm. ça se passe principalement dans un restaurant. Le restaurant change, mais c'est toujours le premier rendez-vous d'un gars et une fille. Puis c'est toutes sortes de petites péripéties à travers ça, mais ils sont toujours assis à une table en train de prendre un verre ou en train de manger quelque chose, puis à jaser de tout et de rien, ce qu'on fait souvent lors d'un premier rendez-vous. Mais c'est un peu le genre de défi de scénariste. Qu'est-ce qui peut arriver assis? De quoi on peut parler dans un contexte qui, au bout du compte, se répète, mais qu'on doit renouveler pour le bénéfice du gag, pour le bénéfice de la chute? C'est ça. Et ça a été un bon défi? Oui, non, j'ai beaucoup aimé ça. T'as probablement eu la chance de lire la BD. Mm-hmm. J'ai changé de scène à un moment donné. Je voulais me donner le défi de le faire au complet dans le restaurant. Finalement, j'ai décidé de changer, pas parce que je manquais d'idées, mais simplement parce que je voulais changer un peu l'atmosphère aussi là, du premier rendez-vous. Donc, on part d'un fond blanc à un fond noir, donc d'un restaurant à un bar. C'était pour un peu changer l'atmosphère dans l'album BD en soi. Oui, puis t'ouvrir des nouvelles portes aussi en termes de situation. Là. C'est ça. Il y a aussi une scène où ils sont dans un taxi, puis on voit la page est jaune, puis il y a des espèces de motifs de taxi pour créer cette atmosphère-là. Oui, ben en fait, les couleurs, ils sont pour beaucoup justement côté ambiance. Bon, comme tu disais, le noir dans le bar et d'autres couleurs comme ça où on passe. Même chose aussi pour les phylactères, en fait, qui sont bleus, qui sont roses selon le personnage, qui sont d'autres couleurs aussi selon le personnage secondaire. Donc, on y voit un peu avec ces éléments-là pour donner un peu des éléments d'espace, des éléments d'ambiance. Oui, puis je veux dire, la couleur, comme tu dis, est super importante, surtout parce que j'ai pas de ligne de contour. Encore là, ça a donné comme ça. Pendant que je travaillais sur le personnage, je trouvais que ça avait l'air différent. Je trouvais que ça avait l'air... c'était un beau look que moi, j'aimais. Donc, j'ai dit, ah, pourquoi pas, je vais essayer ça. Puis, je pense que ça a quand même été assez réussi. Oui, puis les personnages non plus qui n'ont pas de contour. Donc, ça crée, en fait, je veux dire, un regard particulier. On s'attend habituellement, on s'attache au contour. Et là, subitement, il n'y en a pas. Ça crée une ambiance qui est peut-être, à la limite, peut-être plus un peu dans la lignée de ce qu'on verra en animation, par exemple. Oui, c'est ça. Puis je l'ai même construit comme j'avais construit un dessin animé qui est en fait la BD a été illustrée dans le logiciel Flash parce que moi j'ai étudié en dessin animé aussi. Puis c'est ça, j'ai bâti les personnages avec des symboles, donc ils ont différents types de yeux, différents types de mains. Puis au fil des histoires, j'en rajoute s'il faut, mais parfois je peux même faire réutiliser puis faire un peu comme du marionnettisme. Puis je pourrais animer également les personnages. Fait que dans le fond, tu t'es monté une banque de symboles dans le logiciel? Oui, c'est ça. Puis comme je te dis, il faut toujours j'en rajoute parce qu'il y a toujours des poses différentes qui s'ajoutent, mais tu sais, un œil rond, à un moment donné, c'est un œil rond. Je fais juste le reprendre, puis c'est... Ouais. Ça aide, donc ça aide dans cette lignée-là. Oui, c'est intéressant, ça s'oriente aussi, ça développe un peu un angle particulier à la recherche visuelle qui accompagne, j'imagine, généralement bon, un nouvel album. On essaie de sketcher, de voir un peu qu'est-ce que ça pourrait représenter, comment on pourrait l'animer. Dans ce cas-ci, ben, tu développes pratiquement les différentes poses à l'avance. Là. C'est ça, mais comme je te dis, j'y vais au besoin aussi. Là, il y a énormément de poses, il y a énormément de symboles qui sont pas encore créés, qui s'ajoutent au fil du temps avec les gags qui s'ajoutent. Oui. Parce que si je veux faire telle ou telle situation, puis j'ai pas nécessairement la pose qu'il me faut déjà, mais faut que je l'ajoute. Là. Puis il y a souvent des poses qui sont utilisées une seule fois parce que ça sert un seul gag, puis c'est comme ça. Donc ça ajoute une dynamique au développement des situations, au développement des chutes, etc., etc. Oui. Et en même temps, j'ai l'impression, quand on parle aussi de strip, de manière générale, dans la perception que j'en ai en tant que lecteur, un strip qui est bon, qui est efficace, c'est souvent un strip qui est simple aussi. Donc, je veux dire, narrativement, il y a un côté, il y a une justification additionnelle à la recherche de simplicité qui est un peu dans le graphisme, dans l'architecture de Les Idiots. Comme je te dis, moi j'ai déjà fait un autre album de bande dessinée de strip qui s'appelait L'âge de l'innocence, qui m'avait dit trois petites filles. Et puis je donne beaucoup d'ateliers scolaires, puis j'allais donner justement un atelier sur le strip, puis je me suis dit, regarde, je vais pas faire semblant que je connais tout sur les strips. Donc j'avais envoyé un message à tous, un appel à tous, pour me dire, selon eux, selon ces auteurs-là, qu'est-ce qui est un bon strip. Puis il y en a plusieurs qui m'ont répondu. Et puis, ça a donné vraiment des choses intéressantes. Puis moi, j'ai appris à travers ça. Puis c'est là que je me suis lancé ces défis-là. Que justement, la simplicité était très importante dans un strip, surtout le strip d'humour. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment dénudé. C'est un strip, donc on déshabille. Et à l'intérieur de ça, c'est important aussi d'avoir une bonne dynamique aussi entre les deux personnages. J'ai basé beaucoup justement sur le gag verbal. Donc, faut avoir deux protagonistes qui peuvent se relancer la balle dans des environnements qui sont propices aussi justement à amener les chutes. Là. C'est ça. Donc, ça reste des bons défis. Je veux dire, faut se renouveler, faut avoir des idées. Où on va chercher un peu? Est-ce que tu pars avec une liste d'idées? Est-ce que tu brainstormes régulièrement? Est-ce que tu t'inspires un peu de ce qui se passe autour de toi? Je m'inspire énormément sur ce qui est autour de moi, que ce soit quelque chose de complètement anodin comme une situation, une observation. Je vais m'inspirer de la vie de tous les jours, de ce que les gens me racontent. Je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde qui écrit. Puis quand vient le temps d'écrire, vraiment, c'est un autre. J'avais vu ça dans un gag de Alex A dans son album publié chez Première Ligne, où il travaille mais il est comme couché sur un fauteuil. Parce qu'il écrit, puis à un moment donné, il oublie qu'il est en train d'écrire, là, mais dans le fond, c'est souvent ça qui arrive quand que je veux développer différentes idées, mais je me couche la tête sur mon pupitre, puis j'essaie de passer à différentes thématiques, différentes idées générales. Puis ensuite, une fois que j'ai mes thèmes généraux d'établi, mais là, je vais de l'avant, puis j'essaie vraiment de travailler un à un avec plus de précision. Et surtout en même temps que quand on parle des relations de couple, des relations amoureuses, c'est un sujet qui est très prisé en humour. Donc j'imagine qu'un stress puis une volonté aussi est lié au fait qu'il faut essayer d'apporter quelque chose de plus, essayer d'apporter sa couleur à ce sujet-là. Oui, puis c'est pour ça que j'ai souvent il y a des absurdités dans cette BD-là, parce que ben moi j'étais un petit peu bizarre comme ça, ce qui fait que ça aide à donner la couleur au personnage, là, parce que j'ai souvent je vais sortir des craques des fois à ma blonde, elle va dire coudonc, t'es bien weird, puis moi je l'ai mis en dessin puis ça marche. Et de se laisser aller un peu, de pas avoir peur de l'absurde justement, parce qu'au contraire c'est ça qui apporte des fois l'élément de surprise aussi. Je veux dire, on lit, on s'attend pas nécessairement à la chute, parce que justement il y a cet effet-là de surprise qui est amené par ce type d'humour-là. Puis c'est probablement les gags que je préfère dans l'album, c'est ceux qui ont vraiment de l'absurdité à l'intérieur. Je me fais rire moi-même dans ces cas-là. Puis tu as quelques listes aussi que tu as décidé de faire au fil de l'album, les plats à ne pas manger dans une date, les gens à ne pas rencontrer dans un blind date, etc., etc. Donc ça amène aussi, ça renouvelle un peu, ça fait faire une pause de strip. C'est le côté didactique. Des conseils, ce sont des vrais conseils quand même, là. C'est inspiré sur des vraies recherches, mais j'ai apporté des choses comme certainement cocasses, un peu plus drôles à ça. Là. Oui, puis j'ai l'impression que ça fait, en fait, en termes de rythme, ça fait respirer un peu, ça prépare, ça change un peu l'ambiance, ça crée une pause, dans le fond. Oui, c'est une pause publicitaire, j'aurais dû payer des commentaires. Et à l'intérieur de ça, on parlait de simplicité dans le décor, on peut parler aussi du défi de trouver la chute, mais aussi du défi de bien l'amener. T'as une planche, tu connais ton espace, bon, t'as pas mis de cases à l'intérieur de ça. En fait, du moins, les lignes elles-mêmes des cases sont pas dessinées. Il faut que tu rythmes ça pour amener vers la finale. Donc, encore là, c'est un bon défi de bien mettre en scène les strips à proprement parler, de bien les étirer, les structurer. Oui, puis le plus compliqué, j'ai trouvé, c'est justement dans la scène de bord, parce que j'ai décidé de garder le bord au complet. Donc, le bord fait la bande en entier, mais les personnages sont répétés sur le bord. Mais je pense que ça marche quand même. Et à travers tout ça, est-ce qu'on espère avoir... en fait, c'est un premier tome. Comme tu dis, tu l'as monté aussi en animation. Est-ce qu'on espère avoir d'autres éléments qui vont ressortir de cet univers-là? D'autres éléments, tu veux dire... Un deuxième tome, j'imagine que oui. Peut-être des strips animés, d'autres... C'est ça qui est fun avec une bande dessinée. Quand tu le montes, tu mets un chiffre dessus, puis ça oblige un peu ton éditeur. Tu sais, marquer Tomber, fait que les gens posent des questions. Non, c'est juste le titre, ça s'appelle Tomber. Mais oui, c'est ça. Moi, dans ma tête, j'ai déjà environ des idées pour environ 8 tomes. Puis je veux faire évoluer les personnages, je veux les faire aller en voyage, les faire approfondir leur relation, peut-être éventuellement se fiancer, qu'elles soient enceintes, qu'elles rencontrent les parents, etc., etc. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de voies que je peux aller avec ça. Puis oui, j'espère en faire plusieurs autres albums. Puis, point de vue dessin animé, j'aimerais ça faire du dessin animé aussi avec ces personnages-là. Je dis ça même, je parle pas nécessairement à télévision, là, mais j'aimerais ça peut-être plus pour mon moi personnel, là, faire des capsules animées que je mettrais sur Internet. Là, puis c'est vers ça que je voudrais aller. Là. Alors, on aura l'occasion, donc, je l'espère, de s'en reparler au fil des mois, des années à venir. Donc, je rappelle, en fait, le livre, ça s'appelle Liz et Dio. Donc, premier tome, Les Pareils Satires, c'est chez Boomerang. Éric Pelladeau, merci. Hey, merci, Ramon. Et au plaisir. Au plaisir. Alors, voilà, donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, d'ailleurs, sur l'auteur, ericpelladeau.net, côté site web. On repart une dernière fois en musique avec Crying. I'm not aware, just you and I. Et voilà, donc je rappelle que la formation qu'on entend, ça s'appelle le Crying, tiré de l'album Get Old, toujours disponible sur le web. Et maintenant, on a le plaisir de retrouver notre collaborateur Mathieu Place. Bonjour. Salut Raymond, salut tout le monde. Bonne année. Ben oui, bonne année à toi aussi. C'est la première fois qu'on se voit depuis... Depuis okay. 2014. Bon, ben ok. Eh oui, bonne année. Et toujours de passage, évidemment, pour porter des regards sur l'univers de la bande dessinée anglophone. Oui. Trois titres ce mois-ci. Oui. On commence avec un auteur, en fait, je pense qu'on peut dire qu'on aime beaucoup, de manière générale, donc auteur québécois déplacé en Ontario, qui s'appelle Chester Brown, et un titre qui s'appelle « I Never Liked You ». Oui, exactement. Alors, Chester Brown, qui est un gars de Montréal, carrément. En fait, toutes les bandes dessinées que je vous présente aujourd'hui, il y a un thème dont je viens de me rendre compte. En fait, c'est tous des auteurs québécois, des auteurs de Montréal, et puis Chester Brown, c'est un des auteurs de Montréal qui a vraiment fait sa marque là dans l'univers de la bande dessinée canadienne et américaine, nord-américaine, internationale. Surtout avec une œuvre qui est l'histoire de voyons, Louis Riel, le héros canadien, là, héros politique là de l'Ouest canadien, métis, et puis bon, qui a fait beaucoup de choses là à l'époque là pour pouvoir mettre de l'avant les droits de sa communauté métis. Alors Chester Brown a fait une œuvre sur ce héros-là. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler de I Never Liked You, qui est une œuvre autobiographique. Alors, on sait que dans les années 90, il y a eu une grande vague d'œuvres autobiographiques qui continuent encore aujourd'hui. On dirait que la bande dessinée se prête vraiment très bien à ça. Je sais pas si t'as des commentaires par rapport à ça. Quelque chose, mais ouais. Ben, on dirait que ça fonctionne très bien avec avec l'autobiographie et puis les récits plus intimistes. Au départ, évidemment, dans le courant du 20e siècle, on a vu beaucoup de bandes dessinées bon, très éclatées avec des super-héros, des mondes fantastiques, de la science-fiction. Et puis, on a vu une mouvance dans les 20 dernières années avec quelque chose de plus intimiste. Oui, qui a amené des nouveaux auteurs, qui a amené un nouveau lectorat aussi. Ouais, exactement. Peut-être un nouveau marché, même, à la limite. Ben, peut-être, mais moi, je suis tombé là-dedans. Je lisais l'autre sorte de bande dessinée avant ça, mais quand j'ai vu ça apparaître, là, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, dans ce cas-ci, Chester Brown nous fait, justement, une œuvre qui est dans cette veine-là. Alors, ça s'appelle I Never Liked You. Il nous raconte ses années d'adolescent à Montréal, en fait, à Châteauguay, là, qui est plus en périphérie de Montréal. Et, bon, je vais vous dire le positif et le négatif, là. Dans ce genre de récit-là, moi, un des points négatifs que je vois souvent, c'est que les auteurs de bande dessinée, quand ils parlent d'eux-mêmes, de leur vie, eh bien, c'est intéressant, c'est intimiste, etc. Mais c'est souvent des vies qui sont tristes ou pathétiques. Hein, on dirait qu'ils aiment ça se mettre en scène comme des lovable losers. C'est ça, des losers ou des personnes qui n'ont pas eu beaucoup de chance là, à une certaine époque de leur vie. Des gentils perdants. Ben, c'est ça, exactement. Ben, tu sais, on peut se dire que les gens qui savent très bien dessiné comme Chester Brown, ben tu sais, c'était pas les jocks là au secondaire là. Tu sais, pour apprendre à dessiner, ben il faut prendre le temps de s'asseoir et puis d'apprendre à dessiner. C'était pas les mêmes sortes de personnes là qui allaient d'un bar là déjà à 16 ans et puis qui allaient sortir avec les filles. Alors, on a ce genre de personnage là dans I Never Liked You. Alors, c'est un personnage qui est très réservé, il parle pas beaucoup, il se fait beaucoup écœurer par tout le monde de son école et puis bon, par prudence et puis par une espèce de pudeur, il va jamais répondre à ces attaques-là, à ces espèces d'attaques-là de tout le monde qui est autour de lui. Alors, il va avoir des filles qui vont venir essayer de l'aguicher, de le séduire, mais lui, il sait que c'est juste pour le provoquer. Alors, il répond pas à ça. Il y a des gars qui vont venir essayer de le tabasser. Ben, il va rester stoïque en tout temps. Alors, c'est vraiment un personnage là qui reste en retrait. Et puis, dans l'histoire, il va souvent dire que il fait cette espèce de procédure là pour rester dans ce qu'il connaît. Là, il va pas sortir de ce qu'il connaît pas vers ce qu'il connaît pas parce qu'il va rester vraiment dans quelque chose qui sécurise. Et puis bon, c'est vraiment l'histoire de ce personnage là. Alors, je dirais le point négatif, c'est que bon, ben tu sais, c'est un personnage un peu pathétique en certains cas. C'est un personnage, des fois on a envie de le brasser un peu puis de dire ben écoute, fais quelque chose de ta vie, mais bon, c'est l'histoire de l'adolescence et puis de toutes les limites qu'il y a dans cette époque-là de la vie. Moi, je me reconnais un peu là-dedans parce que évidemment, l'adolescence, on sait pas encore où se mettre. Et et puis comment procéder là, pour pouvoir atteindre ce qu'on veut atteindre. Et puis bon, c'est vraiment ça qui est mis en scène là, dans cette histoire-là. Alors ça, c'est « I Never Liked You » de Chester Brown. Mmh. Autre titre, Mathieu, « The Great Southern Brotherhood of Canadian Cartoonists » de Seth. OK, alors on a un autre personnage ici, un autre BDiste là, de Montréal qui a vraiment fait sa marque là, aux États-Unis, au Canada, qui a vraiment fait son petit bout de chemin. Son style graphique est vraiment très différent de Chester Brown. Chester Brown, c'est quelque chose de très très effilé, avec des traits très fins, beaucoup de d'hachures. Tandis que dans le cas de Seth, c'est très c'est des bon des gros traits, c'est sûrement fait à la plume avec des gros aplats de noir, et ça a un côté très rétro. Alors on reconnaît le graphisme là, des années 50, des années 40, même une espèce de nostalgie d'un style graphique de bande dessinée d'une autre époque. Alors dans le cas de ce recueil-là, alors ça s'appelle The Great Northern Brotherhood of Canadian Cartoonists, eh bien, Seth s'imagine une espèce de monde parallèle où les BDistes canadiens sont vraiment des personnages très réputés, très célèbres, et puis qui sont respectés de manière très importante dans la société canadienne. Alors, il nous décrit un club qui aurait à Ottawa, Toronto, Montréal et Winnipeg, un grand club select avec les grands BDistes canadiens, là où ils se rencontrent et puis où ils vont partager leur métier. Alors, le club en question, c'est un grand manoir qu'il y a à Ottawa. À l'intérieur du manoir, il y a l'armée canadienne qui place ses troupes pour pouvoir protéger le lieu. Il y a un grand salon où très riche, avec des hauts plafonds et des grands arbres là, qui vont soutenir ce plafond-là, avec les œuvres de tous les grands BDistes canadiens, des grands prix qui sont décernés à tous les BDistes. Et il nous fait une espèce de description de tous les grands BDistes en question là, qui fréquentent ces salons-là canadiens. Alors, bon, on a un BDiste qui a inventé un personnage qui est un Inuit qui traverse l'espace, un Inuit astronaute là, qui s'en va visiter d'autres planètes. On a un prêtre qui vit dans la campagne québécoise, et puis bon, qui est une espèce de personnage satirique là, de tout ce qui était clergé là, au début du siècle là, dans la société québécoise. On a un autre personnage qui est un coureur des bois qui va dans différentes contrées là, du Canada. Alors, c'est des personnages qui sont inventés par des BDistes imaginés, alors des personnages imaginaires et des BDistes imaginaires. Alors, Seth s'imagine un Canada où les BDistes sont vraiment réputés. Alors, c'est parti d'un cahier de notes que Seth gardait avec lui. Alors, bon, j'imagine que c'était peut-être un fantasme là, professionnel que d'avoir une société qui respectait son métier à lui. Et peu à peu, ben, il a présenté les pages de son journal, de son carnet aux éditeurs, et puis les éditeurs l'ont encouragé à le revamper, à le peaufiner, développer, peaufiner pour en faire une bande dessinée en tant que telle. Alors, c'est vraiment très intéressant et c'est très descriptif. Alors, il n'y a pas vraiment de narration en tant que telle. C'est très très droit, très structuré comme bande dessinée, mais c'est intéressant parce que c'est une manière de jouer avec les mythes et l'imaginaire canadien pour les propulser vers un autre imaginaire là, idéalisé. Alors Seth, c'est un BDiste là, comme je disais tantôt, qui a vraiment fait sa marque là, aux États-Unis. Il fait beaucoup de couvertures pour le New Yorker, pour des illustrations pour les grands hebdomadaires américains. Et puis là, bah, c'est une œuvre là qui a l'air d'être un enfant chéri, un bébé à lui. Et peut-être en terminant, un petit clin d'œil à Julie Doucet, enfin, un incontournable évidemment de la scène montréalaise et de la scène indépendante canadienne et américaine. Un titre, Monkey and the Living Dead. Oui, en fait, c'est paru aux éditions de l'association qui ont fait un tout petit livre. C'est un tout petit livre. C'est pas très volumineux. En fait, l'association va faire souvent des petits livres qui sont tirés de fanzines. Alors, dans le cas de Monkey and the Living Dead, c'est vraiment une petite œuvre. Je connais pas l'origine de cette œuvre-là, mais ça a vraiment le look d'un fanzine. Alors, c'est le style très détaillé de Julie Doucet. Alors, avec beaucoup de détails, même les marges sont détaillées. Il y a pas un poil d'espace là, dans ces bandes dessinées. Un peu dans les surpris de ce qu'elle offre. En fait, elle a trouvé son style rapidement puis elle l'a développé de manière assez fascinante. C'est ça, exactement. Mais ici, dans Monkey and the Living Dead, c'est vraiment avec une twist là, punk. Là. Alors, il y a toujours une espèce de petit relent punk là, dans ce qu'on voit de Julie Doucet, un petit peu trash. Mais dans ce cas-ci, là, elle y va vraiment full pin. Et l'histoire elle-même est assez assez trash. Alors, je pourrais pas la décrire au complet là, dans tous ces détails. Mais en gros, ben, c'est l'histoire d'une chatte, en fait, un chat féminin là, en tant que tel, qui s'en va à la découverte de Montréal, interlope, underground, pour pouvoir essayer de découvrir sa propre sexualité. Alors, elle va rencontrer des danseuses, des gangsters, des vendeurs de drogue. Alors, on visite vraiment les bas-fonds là, d'une cité. Dans ce cas-ci, ça se trouve à être Montréal. Et on rencontre toutes sortes de personnages. On rencontre aussi Julie Doucet, qui est au travers de cette histoire-là. Mais c'est un espèce de récit initiatique punk, trash, assez intéressant. Les dessins sont super le fun. On dirait que Julie Doucet s'est vraiment laissée aller au plaisir là, de dessiner là, sans limite. Et puis, ça fait une bande dessinée qui est très agréable à voir. Là, mais c'est dans le style punk, trash, là, Julie Doucet au maximum. En fait, si on apprécie le style, on plonge là-dedans, puis on en profite, comme on dit. Exact. Alors, ben voilà, donc Monkey and the Living Dead de Julie Doucet. Mathieu Place, nous on se dit au mois prochain. Au mois prochain. À bientôt. Excellent. À bientôt. Salut. Et ben nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission. On se dit pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, donc je suis à Angoulême. Je suis de retour le 7 février. Et le 7 février, ben spécial édition papa. On aura Luc Bossé, l'éditeur, en studio, en entrevue, pour une bonne partie de l'émission. Question de voir un peu comment ça se passe, l'édition indépendante au Québec. Alors, passez un excellent deux semaines sur les ondes du 89.1. CKRL, c'était Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous.